boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Quasi-frangine qui ouvre un pop and rock sur l'attrait local RVR dans lequel la douceur et les belles mélodies seront au cœur de notre heure pop and rockienne. Mais n'oubliez pas, une fois n'est pas coutume, pas vrai la voix off ? Ah, tu me demandes mon avis ce soir ? Bah ouais, on bosse en équipe ou pas ? Si tu le dis, mais alors pour le prouver, laisse-moi choisir le second titre. Ok. S'il faut vraiment de la douceur, je vais choisir Alice in Chains. Oulala, stop, on a dit calme. T'en fais pas, écoute plutôt ça. Best friend of life. bien super et merci la voix off, c'était un super choix. Il faut dire que perso, c'est bien en acoustique que j'aimais le plus les Alice in Chains. Je dis aimais parce que depuis la mort du chanteur emblématique Lane Staley, les gars de Seattle, malgré la présence de Jerry Cantrell, ne savent plus me donner la chair de poule. La chair de poule ? Années 80 ça ? Oh écoute la voix off, n'oublie pas qui tient les manettes hein. Et en parlant des années 80, si on se faisait un petit Alan Parsons Project ? Alan Parsons Project avec son Eye in the Sky, et là pour le coup, on est donc vraiment dans les 80s. Et dis donc la voix off, tu ne dis plus rien ? Ah, j'ai dû le vexer. Alors restons focus sur notre thème du soir avec Asaf Avidan qui chantait One Day. tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. You had to go out off my door and leave just like you did before. I know I said that I was sharp, but rich men can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane that stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. I said, oh, one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. I said, one day, baby, we'll be old. En 2006, une autrice, compositrice, multi-instrumentiste apparaissait. Son nom était Ayo et ce soir, elle vous offre son doux Without You. I appreciate my best friend, Danny. I know I was unfair sometimes. With this song, I apologize. Where would I be today without you? Being there for me all my life. What would I do today without you? Taking care of me all the time. Where would I be today without you? Being there for me all my life. What would I do today without you? Taking care of me all the time. I would be lost, won't do anything, would go the wrong way. I wouldn't even sing. I would be down, would be depressed. Where would I be today without you? Being there for me all my life. What would I do today without you? Taking care of me. Dans Pop & Rock, on essaie régulièrement de saupoudrer un petit peu de douceur au milieu de l'énergie envoyée aux quatre coins du Rouennais façon puzzle. On aime partager la douceur de Alex Mas et autres Maria Dance. Alors ce soir, on plonge dans des titres que nous passons peu, voire pas, comme tout de suite un des titres des House Martins qui m'a fait le plus vibrer. Ça s'appelle Flag Day, The House Martins. fond dans les années 80 et sur le même album que Flag Day, on retrouvait le morceau des House Martins qui s'appelait Build. Et à peu près dans les mêmes années, issu du Kent, naissait Immaculate Fools, des mélodies, une voix et des concerts mémorables, notamment à l'ENTPE de Vaux-en-Velin. Petite dédicace à mon pote Steph. right the dream. Those tainted promises we made and died, we forget so easily. The love inside. We are in charge. Bientôt 17h35 sur RVR et Pop & Rock vous offre un deuxième morceau de douceur avec Immaculate Fools. Ce soir dans Pop and Rock, on prend notre temps, on la joue cocoon, on fait dans le feutré, dans le doux, on se fait du bien quoi. That's all I'll ever play. Et ouais, c'était une petite triplette, non, toujours pas celle de Belleville, une petite triplette pop and rock'n, ça fait toujours du bien, surtout quand elle est bien dans le thème du soir, parce qu'avec Immaculate Fools, vous avez vu qu'on a su envoyer de la douceur et de belles mélodies. Mais après un tel éloge, vers qui se tourner pour la suite? Ben ouais, vers qui? Merci pour ton intérêt, la voix off. T'as une proposition? Ben, j'aime bien la danoise, pianiste émérite et capable de nous faire 2 heures dans une salle pour nous faire voyager sur ses mélodies. Agnès Obel, ça te parle? Oh que oui! Donc on va écouter Familiar de Agnès Obel, ok la petite voix? Oh super! Pour tout vous dire, Agnès Obel est apparue vers 2015 dans ma galaxie musicale, mais c'était avec ce titre. People with me. so look-alike, look-alike. Underneath the grass would grow, aiming at the sky. En général, je me rends compte de ma misogynie lorsque je regarde ma programmation. Eh bien, étonnamment, ce soir, les filles, si elles ne sont pas encore majoritaires, occupent une belle place qui va se confirmer tout de suite grâce aux 4 filles de Warpaint. Voilà, presque une heure emplie de douceur pop and rockienne. J'espère que vous avez bien profité de ce moment avec Pop and Rock. On va devoir se quitter. Et pour ce faire, je vais appeler une nouvelle fois Notre pote, le père Bob Mould, mais ce soir, ce n'est pas sa casquette du père du grunge, père spirituel des Nirvana, Alice in Chains et autres Pearl Jam, mais avec celle de la douceur, avec un titre que vous connaissez si vous nous écoutez de temps en temps. Ça s'appelle Forecast of Rain, ce n'est pas long. Alors surtout, profitez-en et n'en perdez pas une goutte. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et surtout, bis à tous. All my spirits, all